Il était un petit village au milieu d'un beau paysage où l'on peut voir, tenez-vous bien, des gens sourire dès le matin, des vieux pauvres et leurs chiens, des mamies poules dans leur jardin, des jolies filles bien balancées, des petits minots émerveillés, mais partageant sans chaîne tous leurs joies et leurs peines. Ils ont vraiment compris la vie, oui, la belle vie. Yeah. Est un si bel endroit que l'on peut voir parfois même jouer les fifres à perdre haleine. C'est pas parfois si sympathique, rempli de rêves et de musique. Gasconita, bière et java, jusqu'au matin sont toujours là et partageant sans chaîne tous leurs joies et leurs peines. Ils ont vraiment compris l'amitié vraie, oui, la belle vie. Un petit village au milieu d'un beau paysage où l'on peut voir, tenez-vous bien, des gens rire jusqu'au matin. L'amour est là sur le chemin, il suffit de tendre la main. Un petit bonjour, hein, ça va bien, un petit verre, oui, allez, viens. Oh, partageons sans gêne tout nos joies et nos peines, et profitons, ah oui, de tous les plaisirs de la vie.